Bum. Bum bum bum bum bum. Hop là. Oh. Ok. Tout va bien. Tout va bien. Ok. Allez, on envoie la sauce. Bonsoir. Bonsoir à tous, les entretiens de Grenoble en solo. 5 fois, 6 fois ne sont pas coutumes. Sélection trans ce soir. Pas de DJ set. Sélection, on va dire. Voilà, principalement des vinyles pas très chers. Et des morceaux, principalement des compiles Sound of Belgium, volume 1 et 2, voilà. Bon, j'essaierai bien sûr de privilégier les vinyles, ce qui fait qu'il y aura des fois des temps de pause, voilà, vu que je suis seul. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, bon, bref. On écoute... sur le label Trigger de Francfort, Space Music is Love Energy. Et le morceau c'est Tribute to Goa, c'est un remix. Voilà, à tout de suite. Allez, c'est parti. Allez, on y va. We'll be right back. The First Rebirth Jones and Stevenson, et avant ça, une sortie sur Oscillator, Mental Exercise, Back to the Future, The Futuristic Mix. Et là, je sais plus ce que c'est, je dirai après. Chaos Unlimited, un truc comme ça, je crois. Voilà, sinon je bois un cocktail que je conseille, c'est de la vodka avec de la ginger beer. Ouais, c'est pas mal. We'll be right back. We'll be right back. morceau qui existe. Donc non, avant ça on avait Minefield sur le label Chaos Unlimited, Chaos Unlimited. Le titre du morceau était assez marrant, c'est pour ça que je vais le lire. 20,000 words. Ah non, c'est the knowledge. Voilà. Une remarque importante sur le, pour la vitesse, il y a marqué 45-ish. Voilà, c'est bien de ne pas être prescripteur. Voilà. J'espère que tout le monde va bien, on enchaîne. Toujours avec un disque qui inclut de la voix, donc c'est pour ça que je le mets. C'est sur Direct Drive Records. Voilà. Voilà, tout est dit. Solo de Grenoble, spécial France classique. Je mettrai des trucs plus classiques un peu plus tard. Donc j'ai un créneau de 2 heures. Merci à tous. Je vous laisse deviner le titre de ce morceau. Mind, body, mind, body. un morceau assez autoritaire. Brain Unlimited, voilà, sur Direct Drive Records, c'est ça vient d'Allemagne. Voilà, c'est la sortie DDR4. Quelle année, je n'en ai pas. On va enchaîner avec une petite référence, Bonsai Records, un morceau des Disciples qui s'appelle Under Rave. Et je ne sais jamais si c'est du 33 ou du 45. Motherfucking hustler. Ouais, c'est bien du 33 tours, hein, après la voix. Ça me semble assez clair. De ces disques à la vitesse indéfinie, 45 each ou 33 ish. Fucking hustler. Ah ouais, c'est la fin. Ouais, Under Rave, très bon morceau. Effectivement, en 33 tours, c'est vraiment Under Rave. Under Tempo. Je vais mettre un morceau très emblématique de IQ Records. Donc c'est Cygnus X. L'EP, c'est bien de donner des noms à des EP, même s'il n'y a que deux titres. Synchronism. Et le titre qu'on va mettre s'appelle Délibération. J'adore ce titre très important. Synchronisme. Hop là, attendez, je remets mieux. Voilà, merci. Les entretiens de Grenoble, spécial Trans Classics. Un petit signe au magasin, à l'unique magasin de disques à Grenoble qui s'appelle Discorama. Chez qui j'ai acheté ces disques il y a assez longtemps, qui à l'époque étaient tous à 1,50€. Voilà, je tiens à le préciser. Merci. Ensemble jusqu'à 20h. Merci à Pinode. Merci à tous. Qu'est-ce qui est AI, B01, BBOT, Cheville, CY, Dicrécard, DSPS, TV, IC, IDX, JKR, Malam Mental, Malimig, Nixol, Home Noise, Pat 10, 19, 27, 27, 84, 3, 30, 30, 94, 14, 7, 34, 34, 12, 35, 37, 38, 8, 39, 51, 39, 9, 40, 41, 44, 46, 48, 47, 48, 52, 53 et 58. Merci. Down. Thank you. Ouais. Merci Cygnus X. Pardon. J'ai vu qu'il y avait des attestations dérogatoires FALC. Facile à lire et à comprendre. Je sais pas si vous avez. C'est assez marrant. Ça vaut le coup d'œil. Bon, le problème c'est que ça en deux pages. Mais il y a une iconographie assez particulière. Voilà. Ok. Pardon pour le break. Donc un autre label assez emblématique de cette époque et de ce style, c'est le label Moon Records, un label allemand. Là, c'est un EP de Mandala. Voilà. Donc c'est un peu plus acide. Il y a un morceau acide, disons. Mais celui-là, je pense qu'on reste dans les clous. Même si, bon, acide et trans se confondent, se chevauchent, se tuilent, on pourrait dire. Voilà, donc Mandala, c'est Moon 5e sortie. Désolé pour les petits craquements, je n'ai pas eu le temps de nettoyer les disques. Merci à tous, le solo de Grenoble, spécial trans. Pas psy trans, mais enfin trans, la vieille trans. Il y a la vieille France et la vieille trans. Allez. Encore hein, pour le coup. Ouais, bon ben, pardon. Moi, je pense qu'il faut à un moment donné changer de braquet. J'avoue que là, bien que j'ai pitché le disque, c'était plutôt clairement fait pour 45 tours. J'espère que tout le monde est ici. Encore un. Donc deux fois ne sont pas coutumes. Un autre. Maintenant, Blank and Jones. Je ne sais plus si j'ai mis le titre avant. Non, c'était d'autres personnes. Un morceau qui s'appelle Cream, beaucoup plus dans une vague émotionnelle. Et puis il se pourrait que je mette des disques beaucoup plus durs par la fin, pour la fin plutôt. Merci à tous. Les entraîneurs de Grenoble, spécial classique trance. Par contre, faut pas que je me. Ouais, donc là, clairement, voilà. Accélère un peu le tempo. J'espère que tout le monde va bien. Yes. Ouais, comme je disais, un morceau moi qui me touche beaucoup, qui aurait pu être dans l'émission de la semaine dernière, mais en fait non. Là, on passe sur un thème, comme on dit en anglais, de la trance avec le morceau Universal Nation de Push. Alors c'est des remixes de 99. Donc postérieur à la sortie du morceau de alors je peux vous dire si vous voulez ça vous intéresse de Ferry Corsten. Hop là, pardon. Merci à tous. Cette émission va se prolonger encore 39 minutes, ce qui est pas si mal quand même. Il nous reste quelques trucs à faire. Un peu de vodka, de ginger beer. J'espère que l'apéro se passe bien pour vous. C'est aussi un. C'est chez Banzai Records originellement. We'll Yes, Universal Nation par Push, un remix 99. Ça s'entend hein, quand même un peu que c'est remixé. Il y a un truc très, surtout dans la basse, je trouve, dans ce pied de basse, très presque déjà, il me semble digital. Un disque que j'ai acheté ce week-end, encore donc un disque allemand sur le label. Qu'est-ce que c'est ce label? Difficile à comprendre. Ah oui, Planet Source. Voilà. On va mettre le morceau qui s'appelle Cyclus 4. Voilà, c'est Biotex, ça s'appelle. Alors c'est entre trance et. Ouais, trance, rave, trance. Trance, acid rave. Dans l'idée, quoi. Bon. Big up à Baba. S'il nous écoute. Et à Guillermo del alias Thibaut. Pardon. Thank you. très très bon disque, un peu taché, là on entend la petite trace, tac, régulière. Biotex, très beau logo qui ressemble à une Planet Source. Le P et le E de la fin sont en majuscule. C'est un triangle dans lequel on a une sorte de spirale. C'est très très très très beau. La police est très très belle aussi. Voilà, donc on va. C'était quoi Cyclus? Cyclus 4. Super morceau. Acheté. Je suis pas payé par Discorama, mais bon. C'est il y a un magasin de disques à Grenoble. Et il est pas trop mal. Je trouve plus la pochette. On entend un. Ah voilà, c'est bon. Et oui, j'ai un très long câble pour le micro, ce qui fait qu'on entend le. Ça prend le bruit environnant. On va à Francfort, je pense, pour des contrées plus conventionnel de la trance, j'ai l'impression. Il s'agit de John Sferos. Ouais, non, c'est pas ça que je voulais mettre. Alors, attends. Ouais, non, je vais mettre un morceau qui s'appelle Transform. Donc, c'est un jeu de mots, j'imagine. Sur Transform. Hop. Qui joue à 45. C'est un label qui s'appelle Frankfurt Beat. Voilà, Francfort, grosse scène trans des années 90. Hop là. Merci à tous de rester à l'écoute. Je crois que je suis parti pour encore une heure jusqu'à 21h. Si tout se passe bien, sinon je ne sais pas trop. Ouais, voilà, on verra. Merci. Merci à tous. Antivirus, Pinode, les entretiens de Grenoble spécial Trans Classics. Vous allez voir, c'est assez classique. Déjà, il y a des percussions. Quelle heure il est? Ah ouais, putain. Ouais, c'est l'heure d'augmenter le tempo un peu là. Hop là, qu'est-ce qu'on va se mettre? Yes. Un peu de hardcore là pour finir. Ah mais non, c'est vrai qu'il me reste encore une heure. Mais je crois, je suis pas sûr. Qu'est-ce que ça dit là? Ouais. Ce son, alors j'ai, ce son, c'était bien, je l'ai dit au début, c'était c'est sur Frankfurt Beat, c'est Joseph Sfaros, si je ne m'abuse, et si j'arrive à retirer ce disque à une seule main, voilà, Joseph, John Sfaros, pardon, j'étais pas très loin. Bon bah, puisque je ne sais pas trop si j'ai une heure, donc je vais quand même mettre un peu de hardcore que... Non, mais en même temps, bon, restons cohérents. Un autre label assez important, donc le Latran, c'est le label Tesseract. Tesseract Records, avec des pochettes, un logo assez... une sorte de polygone traversé par le nom Tesseract. Voilà, donc là, on va mettre Power Raiders. Non, c'est Dual Mount. Dual Mount. Mount. Mount. Donc c'est un label, je ne sais pas sa nationalité, je veux dire belge, mais rien n'est moins sûr, anglais peut-être. Donc on va mettre le titre éponyme de l'EP qui s'appelle Power Raiders, voilà, qui est sur la face logo, I suppose. Tesseract, c'est, ouais, c'est très rapide. Live and direct on entretien de Grenoble, P-Node. Hardcore, hardcore, ouais, bah, je sais pas. Ok.

Ouais, donc plus festif, hein, on va dire. Disons-le comme c'est. Un petit disque, pas piqué des hannetons, Opportunities. Ça fait partie de ces disques dont la vitesse est difficile à. Non, pardon. Ah non, c'est l'autre. Dans la vitesse est difficile à trouver, c'est Moon Trip. Moon Trip, voilà, donc il y a deux faces qui sont hardcore et softcore. Non, soft trip ou hard trip. Voilà, c'est ça. Donc on va mettre bien sûr hard trip. Voilà, c'est parti. C'est belge. Acheté en Australie pour la histoire chiante. Essayons de découvrir ensemble la vraie vitesse de ce disque. 45, c'est pas mal. Oups, désolé. Ouais, un morceau qui s'écoute aussi bien en 33 qu'en 45. Ouais, bon ben avec l'heure qui me reste, on va pouvoir un petit peu développer quelque chose de plus, un petit peu plus dur, peut-être moins émotionnel. Bon, j'ai quelques petites cartouches en magasin, notamment bon, alors un classique des classiques qui est plutôt donc acide, hein, mais j'ai dit, les frontières sont lâches, bien sûr, heureusement. Acid Drill que beaucoup connaissent. Voilà. My Body Box. Bon, c'est le. Court, un morceau court, hein, mais emblématique quand même, malgré tout. Yes, les entretiens de Grenoble toujours continuent. Alors attention, on va. Bon, ouais, ok. Life is a trip. Mais bon, pas tout le temps. Un de mes morceaux préférés de ma collection de CJ Boland, The Digger. Voilà, un EP vraiment sur Maul Records. Donc c'est génial parce que. Donc. Maul, la taupe, hein, et donc un morceau qui s'appelle The Digger. C'est super. Un morceau trop rapide à n'importe quelle vitesse. Voilà. On y va. CJ Boland. Bon, ok, ok. Pas si rapide à 33 tours. Ouais, c'est Jay Boland. Hein. Bon, il y a un autre morceau qu'il faut que je mette quand même. Ouais. Ouais, si. Parce qu'en fait, ça c'est Nuke. Juste pour information, par curiosité. C'est ce truc assez dément qu'il faut que je mette, en fait. Voilà. Si, Jay qui a quand même fait Camargue, que je peux passer après pour donner une idée de le. Étendu. Ah voilà. entretien de Renov, toujours présent. Merci à tous. CJ Boland. Alors, apparemment The Digger. Yes. Ouais. Le prochain morceau. Oula, il y a beaucoup de. Ouais. Bon, super disque, hein. Moi j'adore, c'est un de mes disques préférés. Personnellement. Hop là. Mole Records The Digger. Génial. Bah, par exemple, CJ Boland, il a fait des trucs comme chacun le sait, hein, j'imagine. Je suis pas le. Ah, mais non, mais on s'en fout. Si on mettait un petit Mayhem. Allez, c'est parti. Merci à tous. We'll be right back. Il y a un autre morceau qu'on va mettre. Plus que 22 minutes. C'est Art is Anal Artisanal. Apparemment, c'est un mec qui fume 23 grammes de shit par jour. C'est ce qu'on m'a dit. Art is in Space EP. Le morceau, c'est Départ. Merci à tous. Yeah. Yes, super. Really great track by Artisanal. Thank you. Thank you for that. Un petit dernier anthem. Pong. Poing. Really funny track. Non, je pense que l'autre face est mieux. Qu'est-ce qu'il y a encore ici? Qu'est-ce qui écoute encore? Voilà. Rotterdam Records. Merci. Ça ou au Japon, je crois. Three. On s'approche de la fin, malheureusement. On va mettre une sorte de d'anthème encore pour revenir un peu au thème de l'émission, un thème du thème, mais pas vraiment en fait. Vas-y. Si, ouais, ok. Et puis je vous dis au revoir. À bientôt. Je pense que ça va faire le taf. On fera peut-être une autre émission de trans parce qu'il y a plein de morceaux que j'ai pas mis. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne semaine la semaine prochaine. On aura peut-être un invité d'honneur. Merci à tous. Non mais en fait non, c'est bon. Je vais remettre un morceau encore après. En fait. Ethereum. Yes. Ouais. 56. Ouais, c'est bon là. It is the last track. Human Dance. Merci à tous. Hein. Merci de m'avoir laissé passer des morceaux pendant 3 heures. Je pourrais encore une heure. Mais peut-être que ça serait de moins en moins intéressant, je ne sais pas. Merci à tous. Et next is Perfuse. Put me in jail. J'aime pas trop ça. La semaine prochaine, on aura Crystal Geometry qui viendra passer des morceaux et discuter. Ce sera très bien. À bientôt, ciao. Yo yo yo, on continue quand même l'émission. Tant bien que mal. Et je vais me mettre la face B de ce EP. Très cool. Très très cool. Pas du tout de la trance en fait. J'ai un petit truc à faire après. Il y a des disques que j'ai vraiment pas assez écouté quoi. Enregistré. Je vais écouter le morceau et chronométrer exactement le moment où il y a des craquements intempestifs. Voilà. C'est vraiment horrible d'avoir affaire à ce genre d'industrie. C'est la dernière fois que je travaille avec cette entreprise là et ses brokers. Ouais. C'est fini. Hein, j'en sortirai plus ou je sais pas quoi. Et j'en ai marre, je veux pas faire ça. Remplir des formulaires pour dire que ton vinyle est craque à certains endroits parce que ça a été mal fait. That's no good, man. Noël en prison. Noël comme un con. On en a à foutre de Noël, mec. L'émission se poursuit un petit peu, encore un quart d'heure. Hop, super disque que j'ai rangé dans le bac trans, mais en fait pas du tout. Il y a un autre disque aussi qui fait partie de cette catégorie de classement erroné, comme souvent. Encore tout ça vient de Discorama. Ça s'appelle 8-bit. Attends. 8-bit Science. Mais en fait, c'est pas du tout 8-bit. C'est Trope Recordings. Ah non, mais ça. Voilà. Et après, on voit. Ciao.